Chapitre 16e. Jeudi 15 juillet. Adrien a eu du mal à se lever ce matin, car il a fait danser Mireille tard dans la soirée. Il faisait tellement bon. Malgré les deuils, les lambesquins ont essayé de s'étourdir un peu pour oublier. Le vin blanc aidant, les langues se sont déliées, les empathies se sont épanouies. Brossard était abordé par plusieurs villageois, dont certains sont d'anciens élèves. Les relations se sont renouées et deux ou trois gars ont même osé interroger Brossard sur les conditions de vie du bagne. Il ne s'est pas étendu, mais a fait bonne figure pour prolonger les contacts. Dans leur chambre, la tête sur l'oreiller, dans le silence de la nuit, il a pu enfin raconter à Mireille la demande d'aide Trinquier. « Je compte avoir un entretien avec Maxime pour le sonder un peu, » murmure Adrien. « Et si Maxime te dit que c'est lui qui a tué les Bréaux, qu'est-ce que tu fais ?»« Je n'ai tout de même pas le dénoncer, c'est dégueulasse. »« Ah oui ?» Et si les soupçons recommencent à peser sur toi? Non, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun risque. Tu te rends compte, si c'est lui, il aura peut-être trois morts sur la conscience. Un gosse que j'ai en classe, c'est fou, non? Et tu crois qu'à toi, il dira la vérité? Je ne sais pas, on verra bien. Dormons. Le temps est resté au beau et la chaleur persiste. Brossard se rend donc à la ferme des Aniel, sans se presser pour éviter de trop transpirer. Il a acheté à tempérament une bicyclette hirondelle qui glisse sans bruit sur le chemin. Maxime est en train de ranger la remise. Il a nettoyé, graissé les outils et les suspend à des clous. Idem pour la charrue dont le soc est enroulé dans un chiffon gras. Cette activité n'échappe pas à Adrien qui pénètre dans l'ombre de la remise. « Oh, Maxime, c'est pas encore l'hiver. Tu t'y prends un peu tôt pour ranger les outils. »« T'inquiète, je sais ce que je fais. »« Ah bon? Tu vas partir pour quelque temps alors ?»« Oui, c'est ça, pour quelque temps. » dit Maxime en continuant de s'activer. « Je peux te demander où tu vas ?»« Non. »« Ah bon ?» Adrien se dit que l'entretien est vraiment mal parti. Maxime a l'air d'une humeur massacrante. Le visage fermé dénote un refus évident de communiquer. « Tu sais, Maxime, je sais que tu as eu beaucoup de peine, et à ta place, j'aurai le même sentiment. »« Oui, mais tu n'es pas à ma place. Mets-toi bien ça dans le carafon, » dit Rollo. « je sais, mais calme-toi, je viens en ami. »« Tu cherches à m'embrouiller. » Adrien, ça se voit à un kilomètre. Si tu me disais plutôt pour que tu viens me voir, est-ce que tu veux? Ou rien, je passais comme ça. Je me suis dit que tu avais peut-être besoin de quelqu'un pour parler. Adrien, tu vois la porte là-bas? Tu vas la prendre, si tu ne te décides pas à tout déballer. J'ai plus de 12 ans, tu sais, et je ne suis pas un abruti complet. Alors accouche. Adrien a l'impression d'être dans un couloir qui se resserre et va bientôt se refermer. Il comprend qu'il ne peut plus donner le change. Il faut qu'il se jette à l'eau. « Je suis venu pour que tu me racontes tout. Voilà, c'est simple. »« Et pourquoi faudrait-il que je te raconte tout à toi? Et d'abord, qu'est-ce que tu crois que j'ai à raconter ?»« Allez, Maxime, je crois que tu souffres et j'en ai marre de me poser des questions à ton sujet. »« Mais qui t'a demandé de te poser des questions? Ah, tu n'as pas changé. Tu ne lâches pas le morceau si facilement. J'ai rien à raconter. »« Maxime, ne fais pas le couillon. Tu n'as rien à raconter, mais tu plies tes bagages comme quelqu'un qui s'en va pour toujours. » Maxime ne répond pas, mais il s'arrête de travailler et baisse les yeux. Adrien s'assoit sur une enclume et garde le silence en dessinant avec une branche dans la poussière du sol de la remise. Au bout d'un moment, tous deux lèvent les yeux en même temps. Leurs regards se croisent et un sourire effleure leurs lèvres. « Tu as toujours réussi à m'avoir, » dit Maxime en hochant la tête. « Je ne sais pas pourquoi je te fais toujours confiance. »« Parce qu'on a de l'estime l'un pour l'autre, tout simplement, » répond Adrien. Il se lève et entoure les épaules de son ancien élève. « Bon, Adrien, tu me laisses terminer mon rangement. Tu peux me donner un coup de main, ça ira plus vite. Et après, je te dirai tout. D'ailleurs, j'ai aussi un conseil à te demander. » Adrien allume une boyard et sort sur le pas de la porte, le regard au loin. La campagne est calme et belle. Comme d'habitude, quand il fait beau, un léger mistral fait plier les cimes des cyprès et des rares peupliers. La vie doit continuer. En tirant sur sa cigarette, Adrien se fait le serment de ne rien révéler, quoi que lui dise Maxime. La vie se charge elle-même de punir les hommes. Il veut bien essayer de comprendre, mais ne veut pas prendre la place du justicier. « Allez, viens, instit de malheur, on va boire un coup. Ce n'est pas si souvent que tu viens me voir. » Il pénètre dans la pièce à tout faire de la ferme, un peu en contrebas du seuil. Dans la demi-pénombre, Adrien aperçoit une femme assise qui tricote. « Qu'est-ce que c'est ? » dit-elle surprise. « C'est rien, maman. C'est mon ancien maître d'école. »« Ah, monsieur le directeur, je vous avais pas reconnu. Vous allez bien ?»« Oui, madame Aniel. Et vous? Bon pied, bon œil ?»« Oh, moi, je vis maintenant au ralenti. Parce que ça sert de vivre. »« « Tiens, Adrien, prends la bouteille de pastis. On va aller sous les mûriers, on sera mieux. » Dehors, sous les deux arbres, devant la ferme, trône une antique table au-dessus de marbre. Maxime pose les deux verres et sert le pastis. Il fait couler l'eau de très haut dans les verres, comme s'il servait du thé à l'amande. Ça mélange bien comme ça, et on a l'impression que l'eau est plus fraîche. Les deux hommes s'attablent face à face. « Allez, raconte, » dit Brossard. « Oh, tu sais, j'ai pas grand-chose à raconter, » dit-il à voix basse en regardant vers la porte. « J'ai poussé Marcel, un peu, et l'eau a fait le reste. Enfin, je l'ai quand même tué. Tu comprends, je pouvais plus le supporter. Il m'a pourri la vie depuis qu'il est né. Ici, il ne faisait pratiquement rien, ou le peu qu'il faisait, il fallait que je repasse derrière pour recommencer. Le coup de Camille, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai compris ce qu'il avait fait en écoutant les interrogatoires. J'ai vu dans quel état il avait laissé Camille. Toi, tu ne l'as pas vu comme je l'ai vu, moi. Tu l'as trouvé comme je l'avais arrangé pour qu'elle soit digne. Sur le moment, j'ai décidé d'en dire le minimum pour te disculper et ne pas faire accuser Marcel. Je voulais faire justice moi-même, tu comprends? Quand j'ai compris ce qu'il avait fait, je me suis retenu, tu sais. J'évitais de le voir pour ne pas lui taper sur la gueule. Il m'avait enlevé ce que j'avais de plus cher. J'ai cru que mes envies de meurtre allaient me passer, mais elles m'ont repris au moment où je m'y attendais le moins. Je n'ai pas pu me contrôler. Mais voilà, je l'ai fait, mais je ne regrette pas. C'est ça le pire. C'est fait, inutile d'y revenir, l'encourage Adrien. Mais il y a quelqu'un qui m'a vu quand j'ai tué Marcel, la mère Bréau. Alors tu l'as tué pour ne pas qu'elle parle? Non, tu te trompes. Elle avait suivi Marcel pour le tuer froidement. Je lui ai volé sa besogne, en quelque sorte. Mais comment tu sais qu'elle t'a vu? Je suis allé voir les Bréau dimanche soir. J'étais décidé à les tuer tous les deux. Mais la mère Bréau venait d'assassiner son mari. Je suis arrivé en plein pastis, enfin, plutôt en plein drame. C'était horrible. T'es sûr que c'est elle? Bien sûr, c'est elle qui me l'a dit. Elle en était assez fière, en plus. Elle m'a raconté qu'elle en avait marre de lui, et de tous les hommes en général. Elle avait rendu la justice, m'a-t-elle dit, comme moi. Si je parlais, elle menaçait de me dénoncer aux gendarmes. Et puis, elle s'est demandé si elle ne devait pas me tuer moi aussi. Ça fera toujours un connard de moins, qu'elle disait. Oulala, elle était madure en plein? Non, pas vraiment. Je l'ai menacée à mon tour et elle m'a demandé de la zigouiller pour en finir. Alors c'est toi qui l'as pendue? Après, tu as maquillé le coup en suicide? C'était bien fait, astucieux. Arrête tes bêtises! Si c'était moi, tu crois que je l'aurais laissé écrire ce mot plein de fautes? Non, je suis parti en courant, en laissant la porte ouverte. Elle s'est certainement réellement pendue. Elle était seule quand je suis parti. Qui veux-tu qui ait fait le coup? Je veux bien te croire. Et le billet alors? Je sais pas, c'est un mystère. Quand je suis parti, il n'y avait pas de billet. Tu sais qu'elle m'a dit qu'on allait se souvenir d'elle. Tu vois, s'il n'y avait pas eu de faute sur le billet, l'affaire serait classée. Mais pourquoi tu n'es pas allé voir Trinqui? Je ne pouvais pas, il n'aurait pas compris. Je ne sentais pas de la dénoncer pour la mort de son mari. Après tout, elle m'avait évité de tuer le père Bréau moi-même. Donc, dans le fond, tu n'as fait que pousser ton frère? Oui, c'est tout, mais c'est beaucoup. Suffisant pour me faire aller en cour d'assises. Attends, il faut des preuves pour ça, et le seul témoin est mort, alors. Je sais, mais comprends que je ne peux plus vivre à côté de tout ça, là. Et Maxime montre les alentours d'un vaste geste dédaigneux du bras. Et Marceline Kunz? Demande Adrien au bout d'un instant. C'est bien Étienne Bréau qui l'a tué, enfin je crois, mais c'était accidentel. Ils n'ont rien dit pour ne pas être inquiétés. Ils avaient peur qu'elle parle. Si tu savais comme je la regrette, si tu savais comme elle était belle, comment t'expliquer? Elle était belle du dedans, voilà, tu comprends? Je comprends parfaitement que tu l'aimais réellement et que vous auriez fait un beau couple. Brossard pose la main sur l'épaule de Maxime en témoignage de sa sympathie et de sa compréhension. Et Marie Bréau? Allez, c'est toi qui l'as tué, dit. Mais non, je te dis que je suis parti. Tu t'es star, hein? Alors qui? Je sais pas, moi. Je te dis que c'est pas moi. Pourquoi ne se serait-elle pas pendue elle-même? Le billet, Maxime, le billet. Il laisse vagabonder tous deux leur esprit en contemplant la ligne d'horizon. Puis Brossard reprend. Bon, tu m'as dit que tu avais besoin de conseils. Maxime boit une bonne rasade de pastis et resserre les verres comme pour se concentrer. Oui, écoute, je vais m'en aller, partir de France. Si, bien sûr, j'en ai le temps. Et la ferme, tu vas la laisser. Et ta mère? J'ai un lointain cousin au Vigan, dans les Cévennes. Il crève la faim depuis des années et s'échine entre les châtaignes et les verres à soie. Je lui écris. Il accepte de reprendre l'exploitation avec sa femme et de s'occuper de la mamie. Pour lui, c'est une aubaine et pour moi aussi. Il sera ici dans quelques jours. Bon, mais alors, dis-moi où tu comptes aller. Eh ben, je sais pas, justement. Et je voulais te demander conseil pour ça. Voilà, j'ai le choix entre m'engager dans les brigades internationales pour aller me battre en Espagne. Belle la cause. Le coup pas de rien. Mais c'est risqué. Il y en a beaucoup qui n'en reviennent pas. Et tu sais que le gouvernement interdit de s'enrôler. Le gouvernement, je m'en fous. Ou alors je m'engage dans la Légion pour Sidi Bel Abbès. C'est plus pépère, mais pas de tourpeau. Ce n'est pas le bagne non plus, et je m'y connais, mais ce n'est pas facile. Tu comprends qu'il faut que je débrasse le plancher. J'ai pas autre chose à faire. Dans la Légion, tu as un avantage, c'est que tu peux changer de nom. Tu disparais de la circulation. Je sais, je me suis déjà renseigné. Ah, c'était pour ça ton voyage à Marseille? Eh oui. Tu sais, si je reste ici, ils finiront bien par me coller tous les morts du village sur le dos. La justice n'a pas fait de progrès depuis ton affaire. Pendant quelques minutes, les deux hommes restent silencieux, chacun réfléchissant sur les paroles de l'autre. Sous les mûriers platanes, l'air est doux et apaisant. Adrien a envie de croire que Maxime lui dit la vérité. Tu me préviendras quand tu partiras, que je te fasse un dernier adieu. Tu peux décagner comme un assassin, mais pas comme un lâcheur, dit Adrien en plaisantant. C'est ça, fais de l'humour. Je vois que 4 ans de bail ne t'ont pas mis du plomb dans la tête. Heureusement, conclut Adrien en lui tapant sur l'épaule et en le décoiffant. Ce dont Maxime avait horreur étant enfant. Allez-vous, je m'en vais. Préviens ton cousin que je pourrai l'aider pour les formalités, comme je suis à la mairie.